On n'annonce pas de la pluie, on n'annonce pas de la neige, on n'annonce pas du vent, on n'annonce pas de la grêle, non plus du verglas, non plus un ouragan, pas plus qu'une tornade. Non, non, non, non, on annonce des élections. Y'aura pas de catastrophe, y'aura pas d'accident, y'aura pas d'attentat, y'aura pas d'enlèvement, y'aura pas d'attaque, y'aura pas de guerre, y'aura pas de massacre, non, non, non, non, y'aura des élections. Non, non, non, pas des élections. Non, non, non, pas encore des élections. Dans certains pays, il y a la dictature. Pas ici, madame, on est en démocratie. Nous, nous avons le droit de choisir nos bourreaux. C'est nous qui engageons nos tortionnaires. Ils ont des belles pancartes, ils ont des belles cravates. Ils manient la parole comme D'Artagnan l'épée. Serons-nous